J'ai dû marcher quelques étés et rencontrer mes frères de l'âme en portant le poids des armes, vibrer au bruit des idéaux, connaître l'ivresse des premiers-nés en portant le poids des armes et rencontrer le frère de l'âme. J'aurais pas dû courir aussi vite que les flammes se sont amenées. Cheers.